te faire l'amour, l'amour à toi, l'amour à trois. Je veux te faire l'amour, rentrer chez toi, prendre un grand verre, prendre un peu l'air. Je veux te faire l'amour, l'amour à toi, l'amour à trois. Je veux te faire l'amour, allez, un, deux, trois. On le fait comme ça, on le fait trois fois et ça ira. Je me rappelle, un soir de plus, je me tenais à l'arrêt du bus, une idée me traverse l'esprit. J'avais envie de tes petits cris, mes petits cris. Quand tu gémis, quand tu jouis, quand tu m'embrasses et me supplie de te parler d'amour jusqu'à minuit. Et après de t'attacher au lit. Je veux te faire l'amour, l'amour à toi, l'amour à toi. Je veux te faire l'amour, entrer chez toi, prendre un grand verre, prendre un peu l'air. Je veux te faire l'amour, l'amour à toi, l'amour à trois. Je veux te faire l'amour, allez, un, deux, trois. On le fait trois fois, on le fait comme ça. J'ai envie de toi, la date, le jour, le lieu, l'heure, je m'en fous. Je veux te faire l'amour, je veux te faire l'amour. J'ai envie de toi, le jour, la date, le lieu, l'heure, je m'en fous. Je veux te faire l'amour, je veux te faire l'amour. Sur le comptoir d'un bar, dans la forêt, sous une avalanche ou sur une branche, dans ta cuisine, sous l'œil de la voisine, dans la rue ou dans la piscine, un soir perdu, au détour d'une rue ou dans le noir, au fond d'un placard, sur la tour Eiffel, bien au septième ciel, sur la banquette arrière de ta voiture. Je veux te faire l'amour, l'amour à toi, l'amour à trois. Je veux te faire l'amour, entrer chez toi, prendre un grand verre, prendre un peu l'air. Je veux te faire l'amour, l'amour à toi, l'amour à trois. Je veux te faire l'amour, allez, un, deux, trois. On le fait comme ça, on le fait trois fois. Sur le comptoir d'un bar, dans la forêt, sous une avalanche, sur une branche, dans ta cuisine, sous l'œil de la voisine, dans la rue ou dans la piscine, un soir perdu, au détour d'une rue ou dans le noir, au fond d'un placard, sur la tour Eiffel, bien au septième ciel, sur la banquette arrière de ta voiture.